allumez vos télés pendant la publicité. Vous verrez immanquablement un mec habillé tout de blanc qui vantera les vertus pour votre cuir chevelu d'un shampoing aux extraits de mie de pain. C'est ça l'American Dream. La science peut vendre même une bouteille de gin. Je me vois bien demain demander mon chemin à des types enrobés et aux doigts boudinés qui me diront gentiment que ce que je cherche désespérément se trouve à côté de leur fast-food préféré. C'est ça l'American Dream. On finira tous gros comme nos multis. Bien plus qu'un film d'horreur, de voir ce formatage poindre à tous les étages. Alors réagissez, éteignez vos télés, et vous verrez la vie du bon côté. Et vous verrez la vie du bon côté. C'est ça mon rêve à moi, et autour d'un feu on réalisera. C'est ça. Et autour d'un feu on réalisera. Et autour d'un feu on réalisera.